Chapitre 12e. Au mois de septembre, le retour du fils aîné de Sir Bertram fut annoncé d'abord au garde-chasse et ensuite à Edmund. Il arriva bientôt à Mansfield, plein de gaieté, attentif et galant auprès de Miss Crawford, autant que la politesse le demandait, et lui donnant sur les courses de chevaux et sur les parties qu'il avait faites avec ses amis, des détails qui l'auraient amusé 6 semaines auparavant, mais qui ne servaient plus qu'à montrer qu'elle préférait le plus jeune frère au fils aîné. Elle en était fort contrariée, mais cela était ainsi, et loin de penser désormais à épouser l'aîné, elle n'avait d'autre prétention à ses attentions que celle qu'elle avait le droit d'en attendre comme jolie femme. Sa longue absence de Mansfield lui avait démontré son indifférence pour elle, et d'après cela, il serait devenu possesseur de Mansfield, et il aurait succédé à son père dans le titre de Sir Thomas, qu'elle n'eût pas accepté sa main. La saison de la chasse, qui rappelait Thomas Bertram à Mansfield, fit aller aussi M. Crawford dans le comté de Norfolk. Sa maison d'Everingham ne pouvait se passer de lui au commencement de septembre. Il fut absent pendant 15 jours, qui parurent d'une longueur mortelle aux deux demoiselles Bertram, mais comme il les trouvait belles et qu'elles offraient un amusement à son esprit blasé, il fut empressé de revenir à Mansfield au temps qu'il avait fixé pour son retour. Maria, qui n'avait eu que M. Rushworth auprès d'elle, et qui avait été obligée de paraître donner de l'attention aux détails de sa chasse dans la journée, de sa jalousie contre ses voisins, de ses doutes sur leur titre et autres choses semblables, avait regretté vivement l'absence de M. Crawford. Julia, comme n'ayant aucun engagement, croyait avoir le droit de la regretter bien plus vivement encore. Chacune des deux sœurs croyait être la favorite. Julia devait le penser d'après les insinuations de Mme Grant, qui était portée à donner de la réalité à ce qu'elle désirait. Maria formait son opinion d'après les insinuations de M. Crawford lui-même. Aussitôt qu'il fut de retour, tout reprit son cours accoutumé. Il était empressé avec les deux sœurs, de manière à se conserver dans les bonnes grâces de l'une et de l'autre, et il s'arrêtait au degré précis qui pouvait empêcher que l'on remarquât ses attentions. Fanny était la seule personne qui trouva quelque chose à blâmer dans sa conduite. Depuis le voyage de Southerton, elle ne pouvait voir M. Crawford auprès de l'une ou de l'autre des deux sœurs sans faire ses remarques et rarement sans s'étonner de sa conduite et le blâmer. « Je suis étonnée, » dit-elle à Edmund, son confident ordinaire, « que M. Crawford soit revenu si promptement après être resté ici 7 semaines entières. J'imaginais qu'il avait à visiter des lieux plus gais que Mansfield. »« C'est à son avantage, » répondit Edmund, « et cela fait plaisir à sa sœur. Elle n'aime pas le voir errer sans cesse d'un lieu à l'autre. Comme il est bienvenu auprès de mes cousines. Oui, ses manières auprès des dames sont très agréables. Je crois que Mme Grant pense qu'il a de la préférence pour Julia. Je ne l'ai jamais remarqué, mais je désirais que cela fût. » Si Miss Bertram n'était pas engagée, dit Fanny d'un ton de réserve, je pourrais presque penser que quelquefois il l'admire plus que Julia. Crawford a trop de bon sens pour rester ici s'il se croyait en danger auprès de Maria, et je suis sans inquiétude pour elle, après l'épreuve qu'elle a donnée que sa sensibilité n'est pas vive. Fanny supposa qu'elle s'était trompée, mais malgré toute la soumission qu'elle avait pour l'opinion d'Edmund, elle retombait souvent dans le même doute. Elle entendit un soir une conversation de Mme Norris et de Mme Rushworth sur ce sujet, pendant que tous les autres jeunes gens dansaient. C'était un bal inattendu qui se composait de 5 couples, en y comprenant Mme Grant, et un nouvel ami de M. Bertram qui était venu faire une visite à Mansfield. « Je pense, » dit Mme Norris à Mme Rushworth, en portant ses regards sur M. Rushworth et Maria qui allaient danser ensemble, « que nous allons voir des visages joyeux maintenant. »« Oui, madame, » répliqua l'autre avec un sourire grave, « il y aura quelque satisfaction pour nous maintenant, et je suis fâché, je vous l'avoue, qu'ils aient été obligés de se séparer pendant la danse. Un jeune couple dans leur situation devrait être exempté des formes de politesse ordinaires. Je suis étonné que mon fils n'en ait pas fait la proposition. » « Il l'aura fait, sans doute, madame. Monsieur Rushworth n'oublie rien. Mais la chère Maria a un tel sentiment des convenances et une si grande délicatesse qu'elle cherche toujours à éviter d'attirer les regards par quelques particularités. Regardez-la en ce moment. Voyez comme sa physionomie est animée et combien elle est différente de ce qu'elle était dans les 2 dernières contredanses. » Miss Bertram paraissait en effet très heureuse. Ses yeux étincelaient de joie. Elle parlait avec beaucoup de feu, car Julia et son danseur, M. Crawford, étaient auprès d'elle. Fanny ne se rappelait pas quel air elle avait eu pendant les deux contredanses précédentes. Elle avait dansé elle-même avec Edmund et n'avait point pensé à regarder ce qui se passait autour d'elle. Madame Norris continua. « Il est infiniment agréable de voir la jeunesse goûter de pareils plaisirs et des jeunes gens si bien assortis. Et que dites-vous, madame, de la possibilité d'un autre mariage ?» M. Rushworth a donné un bon exemple. Madame Rushworth, qui ne songeait qu'à son fils, ne devinait pas ce que Madame Norris voulait dire. « Le couple au-dessus, » dit celle-ci, « ne voyez-vous pas là quelques symptômes ?»« Ah, Miss Julia et M. Crawford ?»« Mais oui, ce serait un mariage très convenable. Quel bien possède-t-il »« 4 000 livres sterling par an. »« Très bien, c'est un beau revenu. Il a fort bonne façon et j'espère que Miss Julia sera très heureuse. »« Ce n'est pas une chose arrangée encore. » Nous n'en parlons qu'entre amis, mais je ne doute point que cela ne soit. Il a pour Julia des attentions particulières. Fanny ne put en entendre davantage. M. Bertram venait de rentrer dans le salon, et quoiqu'elle aurait regardé comme un grand honneur d'être demandée par lui pour danser, cela pouvait cependant arriver. Il s'approcha du petit cercle où elle se trouvait, mais au lieu de la demander pour la danse, il prit une chaise auprès d'elle et se mit à lui parler d'un de ses chevaux qui était malade. Quand il eut parlé de son cheval, il prit une gazette, et regardant Fanny d'un air indolent, il lui dit « Si vous voulez danser, Fanny, je me lèverai avec vous. » Fanny refusa avec beaucoup de civilité et dit qu'elle ne désirait pas danser. « J'en suis bien aise, » dit-il d'un ton plus animé, « car je suis extrêmement fatigué. Je m'étonne que l'on puisse danser aussi longtemps. Il faut qu'ils soient tous amoureux pour trouver du plaisir dans une pareille folie. » Et je crois qu'ils le sont en effet. Si vous les regardez, vous verrez qu'ils ont tous l'air de couples d'amants, à l'exception de Yates et de Madame Grant. Et entre nous, la pauvre femme doit mener une triste vie avec le docteur, et ne serait pas plus fâchée qu'une autre d'avoir un amant. » En disant ces mots, il s'aperçut que le docteur Grant lui touchait le coude. Il changea tout à coup la conversation et s'adressant au docteur, « Voilà d'étranges affaires en Amérique, docteur Grant. Quelle est votre opinion ?» Je suis toujours bien aise de connaître votre façon de penser sur les affaires publiques. » Fanny pouvait à peine s'empêcher de rire de l'embarras où se trouvait son cousin. « Mon cher Thomas, » dit Madame Norris, « puisque vous ne dansez pas, vous consentirez sans doute à faire un whist avec nous ?»« J'en serais très charmé, » s'écria Thomas en se levant vivement, « mais je vais dans ce moment danser avec Fanny. Allons, venez donc, Fanny. » En prenant sa main, « Ne restez pas dans l'hésitation aussi longtemps, ou bien la danse finira. » Fanny se leva aussi très volontiers, quoiqu'elle ne put ressentir beaucoup de gratitude envers son cousin. « Plaisante demande en vérité, » lui dit-il d'un ton presque indigné, pendant qu'il se rendait vers les danseurs. « Me mettre les cartes à la main pendant 2 heures avec le docteur Grant et ma tante Norris, qui ne font que se quereller, et cette vieille Madame Rushworth, qui n'entend pas plus le whist que l'algèbre, « ma bonne tante devrait bien être moins empressée, mais quand elle a mis quelque chose dans sa tête, rien ne peut l'arrêter. »